J'ai pas vraiment le temps de me faire bronzer. Et puis j'ai aussi autre chose à penser. Je suis pas dans le vent, même pas maquillée. Et puis j'ai aussi autre chose à soigner. Quelques petites choses dont tu ne veux pas parler. C'est vrai, la vie en haut, ça te fait mieux rêver. Quelques petites choses un peu compliquées. Quelques échymoses dont je dois m'occuper. J'ai pas ça dans le sang, le rythme et la gaieté. Et puis j'ai aussi autre chose à chanter. J'ai pas le bon physique quand tu veux défiler. Et puis j'ai aussi autre chose à montrer. Quelques petites choses dont tu ne veux pas parler. C'est vrai, la vie en gros, ça te fait mieux rêver. Quelques petites choses un peu compliquées. Quelques échymoses dont je dois m'occuper. J'ai pas vraiment le temps de passer mon temps à écouter quelqu'un perdre le sien. Quelques petites choses dont tu ne veux pas parler. C'est vrai, la vie en haut, ça te fait mieux rêver. Quelques petites choses un peu compliquées. Quelques échymoses dont je dois m'occuper. Quelques petites choses dont tu ne veux pas parler. C'est vrai, la vie en haut, ça te fait mieux rêver. Quelques petites choses un peu compliquées. Quelques échymoses qu'il me faut réparer. J'ai fini.